Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radioactive. Aujourd'hui dans ce mag, retour sur une action innovante de recrutement relayée par l'équipe de France Travail d'Amboise en collaboration avec des partenaires comme la mission locale Loire-Touraine, Cap Emploi ou encore le conseil départemental, une action baptisée Stade vers l'emploi. Alors, le concept: réunir des employeurs, des demandeurs d'emploi, des lycéens et des partenaires de l'emploi autour d'une activité sportive ludique. Les participants, seulement identifiés par leur prénom, sont associés en équipe et engagés dans une pratique sportive adaptée sous la conduite d'encadrants. Les activités sont conçues de manière à mettre en valeur les qualités professionnelles, les qualités humaines et relationnelles, esprit d'équipe, capacité d'écoute et de mobilisation, rigueur, sens de l'anticipation. Il y a quelques jours, c'est l'équipe éducative du lycée Beauregard de Château-Renaud qui ouvrait son gymnase à ce job dating nouvelle génération, où les employeurs locaux en recrutement ont chaussé leurs baskets aux côtés des jeunes pour taper le volant de badminton. Un succès pour cette action de recrutement atypique, puisque ce ne sont pas moins de 17 entreprises qui ont joué le jeu et mouillé le maillot pour repérer leurs éventuels futurs collaborateurs. Nous étions présents sur la matinée et avons pu échanger avec tous les acteurs de ce stade vers l'emploi. Reportage. Je suis le président du badminton club des Portes de Touraine. Donc en fait, le club de badminton de Château-Renaud, mais pas uniquement de Château-Renaud, parce qu'on regroupe des joueurs de 30 communes. On a 150 licenciés. Et là, on organise un stade vers l'emploi. Donc c'est une activité qui change un petit peu pour nous, par rapport aux activités sportives, mais vraiment dans notre projet d'implantation dans notre territoire et de rayonnement dans notre territoire. On vit dans le sujet, on est à fond dedans. Alors pourquoi le badminton précisément est le sport qui a été choisi ? Alors en fait, le stade vers l'emploi, on peut faire plein d'autres activités. On peut faire athlétisme, on peut faire du basket, il y en a plein d'autres. Et là en fait, c'est un échange qui a eu lieu entre France Travail Amboise, Madame Gay qui est juste à droite, et puis le club de badminton. On s'est rencontrés, on en a discuté, on s'est dit mais en fait c'est l'occasion qui a fait l'activité en fait. Voilà, c'est juste l'occasion de se rencontrer. Puis c'est un sport qui est ludique, hein, qui rassemble. Exactement, qui est peut-être pas techniquement trop compliqué. Voilà, là on est sur la base de jeux super simples, faciles à organiser, qu'on fait avec des tout petits, avec 10 mm, qui ont 7-8 ans. Donc c'est vraiment histoire de créer l'émulation, de voir comment les groupes réagissent, comment les recruteurs voient les groupes aussi. C'est aussi une occasion de voir, ben voilà, je m'investis, je suis quelqu'un qui encourage, je suis un leader, je suis plutôt quelqu'un qui est en retrait. Donc ça permet de voir les caractères. Et puis c'est hyper ludique le bad, faut venir essayer. Et puis ça développe aussi la cohésion d'équipe, même sur un court temps comme une matinée. Voilà, là ils sont sur le premier atelier et on entend déjà les équipes qui commencent à s'encourager. On vient de commencer, ils ne se connaissent pas. C'est vraiment des inconnus les uns pour les autres et c'est déjà parti quoi. Donc le bad c'est bien pour ça parce que c'est vraiment très ludique. Et on précise que tout est parfaitement anonyme, c'est-à-dire que les jeunes qui sont dans les équipes ne savent pas qu'ils jouent aux côtés d'employeurs potentiels. Exactement. En fait, là, on a juste les prénoms et on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. On a quelques lycéens, on a des demandeurs d'emploi, on a des recruteurs. Et là, on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui vient pour chercher des demandes d'emploi, qui est en recherche. Voilà. C'est la grande découverte de cet après-midi. Et des fois, il y aura des belles surprises. On imagine. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On s'amuse jusqu'à à peu près midi, ensuite on mange tous ensemble ici. Et à 13h30, là c'est le lever du suspense, les recruteurs vont se dévoiler et indiquer quel poste ils ont en réserve. Et donc voilà, après ça, la partie job dating un peu plus classique qui va démarrer dans la salle. Je suis à présent aux côtés de la présidente du comité départemental de badminton. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Virginie Arnoux, je suis présidente depuis 2018. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme celle-là à laquelle on assiste ce matin ? Génial, c'est formidable, ça permet de faire tomber des barrières entre le salarié, entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi. Du coup, c'est top, très bonne ambiance et en plus beaucoup de monde ici, donc c'est très très bien. Donc une opération qui pourrait être réitérée ? Ah oui, bien sûr, oui, ça c'est travaillé pour que ça se refasse sur le département. Il y en a déjà eu avant Covid, mais ça a été plus compliqué après. Donc là, ça relance l'idée et le fonctionnement, c'est très bien. Puis comme on le disait à l'instant, c'est un sport qui fédère, qui tout de suite appelle à une cohésion d'équipe. Tout à fait, et mixité, hommes, femmes, pas d'âge. Vous voyez, il y a des très jeunes et il y a des plus âgés. Donc oui, c'est très très bien pour le sport en général. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Alors moi je suis Claude Gay, je suis la directrice du France Travail d'Amboise. Alors vous êtes à l'initiative avec France Travail, mais pas que, de cette matinée. Vous pouvez nous expliquer l'objectif ? Exactement, donc d'un côté on a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter. Il nous reste encore quasiment 2600 demandeurs d'emploi, nous, sur nos trois communautés de communes qui sont à la recherche d'un emploi. Et tous les employeurs répondent plus vraiment présents sur les forums classiques. Donc on a vu avec M. Vaugoyot un jour, on s'est dit peut-être qu'on pourrait essayer de recruter autrement. Et du coup, on est plutôt parti sur l'envie de faire avec le badminton. Et France Travail a une convention nationale avec la Fédération française de badminton. Et le club de Château-Renaud a été et volontaire et partant pour pouvoir mettre en place cette manifestation. Et Madame Brigand, proviseure du lycée, a gentiment mis à disposition le gymnase qui est un joyau pour le badminton. C'est un complexe absolument parfait pour l'occasion. Exactement. Donc voilà, avec tout ça, nous voilà aujourd'hui, au grand jour, donc sur la base de l'anonymat, ce qui permet surtout de tester un peu les savoir-être. Voilà, c'est ce que vous me disiez hors antenne. C'est ça. C'est important aujourd'hui parce que le savoir-faire, on peut l'acquérir. C'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a plein de choses pour le savoir-faire. On a les CV, on a plein de choses. Le savoir-être, c'est beaucoup plus difficile. Et souvent aussi, dans des forums de recrutement, les candidats peuvent être très, très stressés et pas se révéler comme ils sont tous les jours. Voilà. Donc, ce genre de manifestation permet de briser la glace. Vous avez vu, là, rapidement, on se retrouve, on encourage. Il n'y a aucune compétition. C'est vraiment comment on se comporte. Et c'est à l'image de la vraie vie, il y a toujours un piège, il y a toujours comment je m'adapte. Voilà. Ces expériences, on en parlait à l'instant avec un des membres de la Fédération de badminton. Elles sont porteuses par la suite, vous avez des retours ? Oui. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a des entreprises et quand les entreprises sont là, c'est qu'elles ont des offres à proposer. Donc il y a vraiment, c'est un forum de recrutement. Après, on assure le suivi, je veux dire, on fera un point comme tous les stades vers l'emploi. Il y a eu rugby, il n'y a pas que le badminton. Mm-hmm. Et on fait un point 6 mois, voir qui a trouvé du travail ou pas. Là, ce qui est intéressant ici, c'est que la proviseure avec Madame Laurent ont joué le jeu et il y a beaucoup d'élèves de terminale qui cherchent un travail et qui vont pouvoir bénéficier, dans le cadre de leur programme scolaire, de ce recrutement. Que dire ? Tout a été bien pensé, bien ficelé. Et vous êtes partenaire également avec la mission locale, Loire-Touraine. Tout à fait. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que France Travaille tout seul, on n'est jamais suffisamment performant. Je veux dire, nous ici, sur notre secteur, on sait que la force, c'est l'intelligence collective et travailler ensemble. Donc ce forum, il a été porté par Cap Emploi, par la mission locale, par le conseil départemental et évidemment les équipes de France Travail. Donc déjà, rien que pour moi, c'est déjà un très très beau travail collaboratif parce qu'il y a quasiment 100 participants et c'est vraiment l'affaire de tous et tout le monde l'a prouvé sur le terrain. Un véritable succès. Est-ce qu'il y aura d'autres opérations comme celle-là ou d'autres ? Alors nous, dans tout le département de l'Indre-et-Loire, chaque pôle emploi organise un forum vers l'emploi. Alors là, il y a rugby, il y a athlétisme, on a des conventions avec différentes fédérations, ce qui permet justement de pouvoir faire aussi ce qu'on espère, c'est découvrir le badminton aux gens qui sont proches d'ici, parce qu'un joyau pareil, si les gens aiment le badminton, c'est un endroit vraiment idéal pour pratiquer. Mais oui, de manière transversale, ça peut permettre aux gens de se licencier dans les clubs. Exactement, exactement. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Madame Dupuis, vous êtes donc maire de la commune de Château-Renaud. Est-ce que vous vous réjouissez de l'accueil d'un tel événement sur votre commune ? Écoutez, oui. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait eu cette organisation avec les jeunes du lycée Beauregard. Donc, on voit France Travail, la mission locale, bien sûr, les chefs d'entreprise qui sont ici présents et que l'on voit dans un autre contexte. Absolument. Et donc, ça, c'est formidable. Ils vont pouvoir se dévoiler dans l'après-midi entre ceux qui recherchent un emploi et les chefs d'entreprise qui sont aussi là pour observer et puis bien sûr voir des futurs candidats qui vont intégrer leur entreprise. Donc non, c'est un bel événement pour le Castel-Renaudais. La commune elle-même recrute parfois, j'imagine, également ? Oui, nous recrutons, que ce soit à la commune ou à la communauté de communes. Que vous présidez ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes justement à la recherche de jeunes pour nos ALSH. D'accord. Et donc, c'est un moment justement où nous souhaitons aussi, j'espère, avoir des candidats. Très bien, le message est passé. Comment ils font pour candidater s'ils nous écoutent ? Écoutez, ils peuvent se rapprocher de la communauté de communes du Castel-Renaudais. N'hésitez pas à déposer vos candidatures. Il y a des postes. Et en mairie, nous avons actuellement dans nos services les agents qu'il faut, mais de temps en temps aussi nous recrutons. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Claude Brigand, je suis la proviseure du lycée. Madame Laurent, je suis professeure en animation et gestion dans le secteur sportif. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'émergence de ce projet auquel on assiste aujourd'hui ? Ce projet nous a été proposé par la Fédération de Badminton, avec France Travail, bien évidemment. Et la première demande, ça a été, est-ce que vous pouvez mettre à disposition ce gymnase ? Et nous, ce gymnase, il n'a que 2 ans. Et la seule chose dont on a envie pour lui, c'est qu'il puisse représenter sur le territoire un élément important, un élément de partage, une ouverture du lycée également. Donc, évidemment, on a dit oui. Et puis après, Madame Laurent a été sollicitée pour l'organisation parce qu'il y avait besoin que nos animateurs sportifs en formation. C'est réellement une formation sportive et une formation d'organisation d'événements sportifs. Et comme le club de badminton, même si c'est un club hyper actif et hyper dynamique, ils se sont demandé à un moment donné si oui, on pouvait avoir aussi des bras parce qu'on est en semaine. Et voilà. Et nos animateurs sportifs, on a bien entendu, moi j'ai sollicité l'équipe de professeurs et bien entendu, ils se sont embrigadés dans cette histoire, on va le dire comme ça. Et Madame Laurent, elle a été là sur l'organisation avec tous mes remerciements parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je n'ai plus grand-chose à faire parce que effectivement, les élèves et leurs professeurs prenaient le relais. Alors, ça a consisté en quoi toute cette préparation, Madame Laurent ? Alors, les élèves ont été en charge de créer des supports de communication, donc à savoir des affiches qu'on a retravaillées également avec du coup la Fédération de Badminton, avec France Travail. Donc, ils ont vu la difficulté de travailler avec plusieurs interlocuteurs parce que chacun veut des choses différentes. Et donc, il faut accorder nos violons pour aller tout droit dans la même direction. Et donc l'objectif était vraiment de faire des supports de communication, rédiger également au sein du lycée des documents pour faire venir les élèves de terminale qui eux vont bientôt rentrer sur le marché de l'emploi à cet événement où tout le monde a bien pu participer et aussi l'Instagram du lycée. Donc il faut savoir qu'au lycée on a un Instagram, donc on poste tous les événements de ce type sur notre Insta pour faire la communication. Le reste de l'année, alors là c'est un projet évidemment cible qui va marquer cette journée, le reste de l'année justement vous avez des relations avec France Travail ? Alors, depuis quelques années maintenant, il y a un module qui s'appelle Aide à l'orientation pour les élèves et les élèves de première et de terminale, en CAP et en bac pro. Et dans ce cadre-là, depuis 2 ans, on a des partenariats avec France Travail pour que les agents, les développeurs, France Travail, viennent nous aider. Et donc, ce que savent faire les professeurs habituellement, c'est faire une lettre, un CV, une lettre de motivation. Là, on est beaucoup plus dans quels sont les droits d'un jeune qui est en train de rechercher du boulot. Donc, on a tout ce qui est la mobilité. Et là, on est un peu moins spécialistes, on va dire. Et donc ces partenariats, on voit bien que quand on fait des aides et quand on fait des activités qui sont concourantes et qui conduisent vraiment à de l'accompagnement individuel, ça fonctionne. Et là, cette année, on a reconduit avec nos terminales CAP et avec les terminales aussi en bac pro. Et effectivement, là, on est sur l'aboutissement, c'est-à-dire que quand on explique à nos élèves qu'une journée comme ça, ça leur permet de s'entraîner à des job dating, ils ne vont pas forcément tous trouver du travail aujourd'hui. Ce n'est pas forcément l'objectif pour tout le monde. Par contre, dans le cadre du module d'orientation, ça les entraîne à un modèle particulier qui est 5 minutes pour se présenter, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours, nous, dans une classe, et les professeurs, je sais même pas d'ailleurs si moi je serais en capacité d'entraîner des élèves à faire ça, c'est quand même relativement spécifique comme mode de recrutement, et donc ils sont là, et ils sont aussi très heureux de s'apercevoir ce que j'aurais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont à la porte de autre chose, que ce soit le autre chose, on a beaucoup d'élèves qui sollicitent des alternances après, mais de toute façon, ils seront travailleurs à un moment ou à un autre, ils vont être des jeunes en recherche d'emploi et sur le marché du travail. Donc effectivement, ça les entraîne de manière efficace. On a eu la chance aussi d'avoir France Travail d'Amboise qui a fait des modules dans notre lycée pour justement préparer nos élèves à ce stade vers l'emploi. Donc en fait, ils ont dû essayer de déterminer quelles étaient leurs compétences, un terme que les élèves ont du mal à identifier et à se mettre en valeur. C'est facile de se vendre, c'est tout un travail de préparation. Et puis un partenariat avec la mission locale Loire-Touraine également. Oui, tout à fait. Ils sont venus nous accompagner pour voir nos jeunes et essayer aussi de prendre quelques noms pour justement les accompagner dans leur démarche professionnelle après le lycée. C'est un réel besoin pour nos jeunes. Il y a effectivement, en lycée professionnel, nos jeunes peuvent être en difficulté personnelle parfois. Ils n'ont pas forcément en tête ce qui est de l'aide au permis, de ce qui est de l'aide à la mobilité, au déménagement, aux premiers frais, à la tenue professionnelle, comment je peux l'acheter. Toutes ces choses-là, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés sur ce démarrage à la recherche d'emploi. Et effectivement, il n'y a aucune difficulté à travailler avec les instances que sont, enfin, les partenaires très officiels et très impliqués que sont la mission locale et effectivement France Travail. Je pense que Cap Emploi qui est intervenu également au sein de notre lycée pour certains élèves. la petite guerre qui a pu exister à certains moments avec l'éducation nationale sur son précaré et qui sait tout faire, et puis les partenaires à l'extérieur n'existent plus, et depuis maintenant quelques années, effectivement. On est tous sur l'accompagnement de nos jeunes. On est quand même aussi, en lycée professionnel, un partenaire des entreprises. Et les entreprises, elles sont en ce moment face à des difficultés de recrutement. Si nous, lycée professionnel, nous, les équipes pédagogiques des lycées, on n'aide pas les entreprises sur un territoire, on ne sert pas à grand-chose. On ne peut pas juste former des jeunes sans connaître la réalité du terrain. D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler à quoi vous formez les jeunes, sur quel secteur d'activité? Est-ce que c'est un domaine en tension notamment? Alors nous, on forme des élèves en commerce et vente, en CAP et en bac pro. Alors commerce et vente, ce sont les anciens intitulés, mais voilà, ce sont les métiers de la relation clientèle. Ça, c'est une partie de notre formation. La deuxième grosse partie, c'est de l'industrie, avec de l'électricité industrielle et de l'électricité en CAP, qui correspond au métier de l'artisanat, de l'électricien. Et on a aussi un bac pro en maintenance. Et puis notre troisième filière de formation, c'est bien le sport. Donc avec ces animateurs sportifs, et les animateurs sportifs sont recrutés aussi via nos sections sportives. On a une section sportive foot, on a une section sportive vélo. On a aussi une option badminton qu'on a développée depuis que le club de badminton est venu s'installer dans ce super beau gymnase tout neuf. Alors on a une option aussi d'animation sportive pour les bacs pro commerce et les bacs pro MELEC, qui correspond à la poursuite d'études possibles après, puisque notre mention complémentaire sur l'animation sportive, en fait, a une deuxième année complémentaire qui, à terme, va s'ouvrir vraisemblablement à Beauregard. Et en bac pro, on peut faire une première marche pour après aller vers ces métiers de l'animation sportive. C'est un métier qui est très prisé par les jeunes en bac pro, globalement, en CAP ou en bac pro. Là, il faut un bac pro pour pouvoir rentrer sur cette formation-là et sur ces formations-là. Et c'est plus facile d'accès pour nos jeunes qu'un BPJEPS, parce qu'un BPJEPS, il y a pas mal d'écritures à faire. Et là, pour le coup, c'est une formation qui n'est pas concurrentielle, elle se ressemble quand même, mais qui est plus favorable dans son mode de réalisation pour nos jeunes. D'accord. Donc, des débouchés pour ces jeunes, quelles que soient les filières? Ah oui, oui, sans problème. Sans problème. Oui, absolument. Non, c'est des filières qui vont être porteuses dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du sport. Tout est favorable. Tout est favorable. Et puis effectivement, nous, on est ouvert à l'apprentissage sur l'ensemble de nos formations, avec des possibilités de répondre aux entreprises en trouvant le candidat adapté à cette entreprise. Et donc ça permet aussi, là aussi sur le territoire, de renforcer les partenariats, sachant que nos élèves, on irradie, puisque en lycée professionnel, on irradie sur l'ensemble du département, voire même un petit peu au-delà. Hein. On est frontalier, nous, d'un certain nombre de choses. Donc on a des élèves du 41, du 72, et on les accueille, on va dire, avec justement ce multipartenariat et cette formation qui est choisie, ces colorations un peu sportives, cet univers un peu sportif pour notre lycée. Hein. Les profs de sport, tous les jours, ils sont au gymnase. Chez nous, voilà. On aime le sport dans ce lycée. Oui, on fait du sport ici et c'est vrai que oui, c'est un atout indéniable d'avoir ce beau gymnase. Eh bien, bravo pour cette belle démarche, parce que je crois que ce soit les partenaires, les participants, à la fois les jeunes, les employeurs, je pense que tout le monde est ravi de cette initiative. Nous aussi, avec grande joie pour le reproduire, bien sûr. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Alors, je suis en présence de Christophe qui a participé ce matin à ce job dating un peu particulier au travers de matchs de badminton. Christophe, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je trouve que c'est une très bonne initiative qui nous a permis de voir le savoir-être, la motivation, l'envie de travailler en équipe par rapport à tous les personnes qui étaient présentes, sans savoir qui était qui. Donc j'ai bien aimé. Maintenant, on va voir la suite cet après-midi avec le job dating et pendant le repas. Mais j'ai vu des bons profils pour moi qui me paraissaient motivés, enjoués, envie de travailler en équipe, de jouer en équipe, d'être vraiment supporter. Et d'autres profils, naturellement, qui sont comme d'habitude, des fois un petit peu plus reculés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais avec plus de recul. Donc j'ai bien aimé. Et donc je dis merci à France Travail de cette organisation et à toute l'équipe qui est autour de BAD pour ça. Voilà, donc c'était très bien et un très bon ressenti. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Alors, je m'appelle Lisea Mété. Je m'appelle Étienne Sorenza. Je m'appelle Nel Beranek. Quelles sont vos impressions par rapport à cette matinée? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez une bonne accroche avec les employeurs avec lesquels vous avez joué? Alors, tout à fait, c'était très cool. À part le badminton, hein, c'est très sportif. Bah oui, c'était cool, ça change des entretiens qu'on peut avoir habituellement, donc c'est une autre pratique pour aborder les personnes qu'on ne connaît pas forcément et avoir un avis différent qu'un entretien, donc ouais, franchement c'était cool et à refaire. Franchement, moi je trouve ça sympa, ça permet de créer quand même un lien avec le recruteur plus amical que tout de suite professionnel, ouais. Et non, franchement c'est agréable. Et là, vous cherchez du boulot, ou c'est que vous êtes venu participer pour peut-être plus tard? Moi, c'est pour plus tard, plus. D'accord. Moi, je suis actuellement à la recherche d'un travail, oui. Donc c'est déterminant une matinée comme celle-là. Oui, oui, c'était quand même bien sportif. J'ai pas intérêt de tomber sur des patrons trop sportifs non plus. Bon. Alors moi, c'est pour plus tard, parce que là je suis déjà en contrat, mais chercher un plus. Donc si ce type de rencontre est renouvelé, vous êtes partante pour re-signer ? Totalement. Totalement. Complètement. Je reviens, les yeux fermés. À part si c'est du rugby. Ah oui, non, alors là je suis pas là pour faire du rugby. Hein. Merci beaucoup les filles. Merci, merci. Nathalie Ploquin, vous êtes la directrice de la mission locale Loire-Touraine et vous êtes présente aujourd'hui sur cette matinée Stade vers l'emploi pour laquelle il y a eu beaucoup de communication et de participation de la part de l'équipe de la mission locale. On retrouve notamment aujourd'hui une équipe de jeunes de la mission locale. Est-ce que c'est important au jour d'aujourd'hui, quand on est acteur de l'insertion professionnelle des jeunes, justement de proposer des rencontres ludiques comme celle-là qui changent un petit peu de ce qu'on connaît jusque-là en termes de recrutement ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une tendance un petit peu générale hein, de faire preuve d'innovation et de se réinventer dans les modes de rencontre et de sortir peut-être du forum classique, des gens derrière les tables. Donc, c'est plutôt une belle initiative, je trouve, des collègues de France Travail qui portent l'organisation de cette journée. Et puis, ça casse les codes, quoi. Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, il y a des participants qui expliquaient que c'est un moment où on va davantage percevoir le savoir-être des jeunes par rapport au savoir-faire. Eh bien, oui, c'est ça. Hein, effectivement, c'est... ben voilà, est-ce que j'ai l'esprit un petit peu compétitif ? Est-ce que j'essaie de me dépasser ? Est-ce que... voilà, des choses qui sont aujourd'hui importantes quand, ben, quelquefois, le diplôme peut faire défaut sur certains postes. Et ben, ça peut peut-être donner des envies et susciter des rencontres. Vous pensez qu'il va y avoir des surprises quand les masques vont tomber tout à l'heure ? Ah, ça va être drôle. On ne peut pas l'anticiper, ça, je pense. Mais tant mieux s'il y a des rencontres qui se font, des binômes qui se font et des poursuites de coopération. Mais c'est ça, en fait, la deuxième partie du travail aussi hein, des acteurs. Derrière, voilà, qu'est-ce que ça donne, quoi ? Même si la journée même est déjà une bonne expérience en soi pour tout le monde, même sur des reprises de confiance aussi, des participants, voir qu'on est capable de... et de se lier à des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, quoi qu'il en soit, ça reste une expérience positive, je pense. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Après le déjeuner partagé, les employeurs ont donc tombé les masques et proposé aux jeunes des entretiens facilités par les échanges de la journée. Nul doute que des affinités professionnelles ont dû se dessiner lors de cette journée. L'équipe de France Travail d'Amboise en fera très bientôt le bilan. C'est la fin de ce mag. N'oubliez pas que Radioactive a sa page Facebook et que vous pouvez y réécouter les sujets qui vous intéressent en podcast. À très vite donc sur le 94.7 et le 93 FM. Mon nom c'est Smoky, la rumeur gronde, tous les garçons sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit, pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs. Cela, il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins en faire, c'est clair. Allonge du cash pour smoker. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. qu'il va y avoir.